éléphant. Mammifère herbivore, type du groupe des proboscidiens, dont il est le seul représentant actuel. Connu pour sa grande taille, son nez allongé en une trompe préhensile, ses incisives supérieures allongées en défense. Latin elephantus, grec eliphas dentus. Personne ou objet comparable par sa grosseur, sa lourdeur à l'éléphant. Se déplacer avec la grâce d'un éléphant, éléphant mère non usuel du phoque à trompe. Macrorhine. Éléphante, femelle de l'éléphant. Éléphanteau, jeune éléphant. Éléphantesque, énorme, gigantesque, des proportions éléphantesques. Éléphantin qui ressemble à l'éléphant, relatif à l'éléphant, une grâce éléphantine. On distingue deux espèces d'éléphants. 1. L'éléphant d'Afrique, 3,50 m au garrot, énormes oreilles, défense atteignant 70 kg chacune. Émail des molaires disposés en losange, type loxodonte. Rarement domestiqué, il est chassé activement et l'espèce risque de disparaître en dépit de règlements protecteurs. C'est le plus grand animal terrestre actuel. Deuxièmement, l'éléphant d'Asie. Moins de 3 mètres au garrot, oreilles relativement petites, défense moins massive, émail des molaires disposés en ruban allongé. Type de l'ls mastodonte. Souvent domestiqué, il est employé dans l'exploitation forestière, autrefois monture de prestige ou animal de guerre. À l'état sauvage, les éléphants vivent en troupe et absorbent 500 kg de nourriture par jour. La gestation dure près de 2 ans. L'espace sert de type à la famille des éléphantidés, dont les autres espèces, mammouths, éléphants antiques, éléphants méridionaux, éléphants de Malte, etc., sont fossiles, dans le quaternaire ou le pliocène. La chasse de l'éléphant se pratique à la piste. L'approche de l'éléphant doit se faire à bon vent. On le tire avec des balles de 48 grammes. Pauvre bête! On ne doit légalement tirer que les mâles portant des pointes supérieures à 5 kg. Éléphant, l'ordre de l'éléphant, ordre de chevalerie danois créé par Christian Ier en 1462, réorganisé en 1693 et en 1808, réservé d'abord aux seuls adeptes de la religion luthérienne appartenant à l'ordre de Danneborg, puis décerné sans limite. C'est aussi un massif du Cambodge méridional. L'éléphant, être magique, merveilleux. Vive les éléphants !